Et alors, c'est vrai que la soupe, ça fait rêver. Oui, si vous mangez la tata. Et vous l'avez constaté, ça? Quoi donc? Mais que la soupe, ça fait rêver. Ben, ça vous fait mal dormir, c'est une vérité, hein. Il ne faut jamais manger la tête de la soupe. Oui. C'est vrai, il ne faut pas manger la tête de la soupe. Et on dit même que de manger la soupe le soir, c'est pas recommandé. Je n'ai jamais cherché à me faire l'expérience, ça ne m'est jamais arrivé. Et alors, c'est vrai que c'est parce qu'elles mangent la pointe des algues, que c'est la nourriture qui leur fait ça? Vous n'avez jamais entendu dire ça? Il y a d'autres poissons qui mangent des algues. Hein. Oui. Mais elles, principalement, elles ne mangent que l'algue. Hein. L'algue et la mouffe. L'herbe aussi, elles mangent, attention. Hein. Au mois d'avril, quand il y a la laitue, là, oui. Eh ben, elles préfèrent la laitue que l'algue. Hein. C'est un poisson herbivore. De toute façon.